spéciale d'été. Très belle année 2020. Goodbye, thank goodbye to you and thank you very much for coming to see me. I thank you very very much. You are beautiful people. Say goodbye to you with a very, I think, a very popular song over here in Holland this time. Melon, melon. Yeah. Irrésistible, voilà, c'était Amalia, la reine du fado. La reine du fado, on sait que c'est on commémore l'année de centenaire, la naissance de Marley Rodriguez. Et voilà, c'est un grand plaisir, une dizaine de minutes en direct. Bravo les enregistrements, parce que c'est un... Voilà, c'est lorsque on entend quelqu'un qui a marqué là, pas seulement sa génération, elle est restée comme l'irremplaçable Marley Rodriguez. C'est ainsi qu'on commence l'année de LDT. Aujourd'hui, c'est la première émission de LDT, la première émission 2020. Voilà. Nous sommes aussi la dixième journée de l'année, donc c'est vraiment le début de l'année. Nous commençons la dixième journée de l'année. C'est vrai que un petit peu de repos pendant cette période de fête, ça ne fait pas de mal. Nous sommes nombreux à l'avoir fait. Alors j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Vous pouvez toujours nous raconter, voilà, profiter de cette possibilité, merveilleuse possibilité, nous envoyer, d'utiliser la messagerie de nos pages perso, Face par exemple, utiliser le téléphone et nous raconter ces merveilleuses choses que vous avez pu vivre pendant cette période de fête. Alors, on disait dixième journée de l'année, c'est aussi la deuxième semaine. On n'a pas encore beaucoup travaillé en 2020, ça c'est sûr. Et nous restons ensemble, nous restons jusqu'à 20h30 pour parler un petit peu lusophonie. Alors l'émission aujourd'hui, elle tournera autour de un écrivain, Mario de Carvalho. C'est une nouveauté au niveau littéraire, un livre que Portitito vient de sortir. Et puis voilà, la poésie de Fernando Moura, surtout, ce sera les deux grands sujets que nous allons écouter, participer éventuellement, pourquoi pas. Vamos, amigo, a mais copinho. Amor eletro. Mais dia sem sorrir, só me pede o que não tem. Nem os olhos põe em mim, não repara no que eu sei. Não me vi, não repara no que eu sei. Dou-lhe o que me foi pedido, com um toque de desdém, para mostrar ao genizinho a mulher que ele não tem. Não tem a mulher que ele não tem. Pelas costas traço um plano para a noite te encontrar. Ponho um salto e um batom, sei o que te faz dançar. E o sentido neste jogo é para te fazer corar. Que a miúda do café não te serve neste bar. Fiz por mal, não visto que era natural. A luz do dia em mim não cega, não me faz ver mal. Eu nasci, mais uma dança só pra mim. Ah, ah, ah, ah. Não fiz por mal, não visto que era nada. sorriso lar. Quero-me dar o que não tem, não desvia o olhar. Quero saber o que eu já sei, o que eu já sei. Sem sentir, quero saber o que eu já sei, o que eu já sei. Das costas traça planos para a noite me encontrar. Ponho o salto e o batom, sei o que me faz dançar. Que o sentido neste jogo era para te mostrar que a miúda do café não dá cartas sem ganhar. Instrumental de quelqu'un que nous connaissons bien, quelqu'un de la région, et je pense que ça fera plaisir de l'écouter. 2094, c'est un instrumental de Clem Chouteau. Ça continue comme ça pendant très longtemps, c'est long, mais c'est très très agréable, et j'ai besoin et j'ai envie, et je pense que vous attendez aussi de savoir ce qui va se passer dans cette émission. Alors, pour ceux qui sont habitués, on a déjà passé quelques émissions ensemble. Nous parlons lusophonie. On dit souvent un condensé de luso. Donc, ce qui se passe au Portugal, surtout. Ce n'est pas une émission en langue portugaise, mais nous parlons beaucoup des artistes portugais et des tendances. Voilà, les sujets que nous approfondissons pas toujours, mais nous en parlons. Voilà, ça permet d'être au courant de ce qui se passe au Portugal. Alors, si nous écoutons 2094, 14 de Clem Chouteau. Nous sommes toujours en 2020, hein, c'est tout. Hein. Juste 2020, et ça s'écrit 2020, c'est fou. On a changé de millénaire. Nous sommes la 10e journée de l'année. Il manque très exactement 356 jours pour terminer 2020. Allez, 356 jours, c'est tout. I mean, to be totally honest with you, I'm so happy to be alive. It's hard for us where I feel. Even on the days I wake up feeling depressed and worried. Alors, un nouveau livre de Mario de Carvalho, une réédition de Herberto Helder, notre nouveau porte éditeur, voilà, qui nous parlait de cette nouvelle édition de contes de Mario de Carvalho, réédition de Apresentação do Rosto. Pour ceux qui connaissent, bien sûr, parce que pour certains, ça ne dit rien du tout. Ça a pourtant été publié en 1968 par Herberto Helder, com alterações feitas pelo autor, donc avec des altérations qui ont été faites, quelques changements, et ce livre de contes, des contes de Mario de Carvalho, il s'intitule Epitome de Pecados, Epitome de Péché, e tentações e tentação, epitome de pecados e tentações, da continuidade da publicação da obra completa do escritor, nesta editora, Porta Editora, desde 2012. Alors, épitome de péché et tentation, nous allons parler dans qui est qui, Mario de Carvalho. Fernando Gonçalves Nemora, qui est un poète, médecin et écrivain portugais, il a laissé une œuvre intense et ce sera notre moment poésie. Variações, qui se souvient? Pour les fêtes de la fin de l'année, je suis sûre que vous avez dansé sur 15 sondings d'Antonio Variações. Tu estás livre, eu estou livre. É uma noite para passar, porque não vamos unidos, porque não vamos ficar aventurados sem tempo. Está cheia, mas só estou. Tu tens o meu olhar, esta energía. Ser un cuerpo del prazer, ser un fin mais un día. Tú continuas a esperar lo mejor que ya no de Carvalho, on parlait en début d'émission, est est né au Portugal, à Lisbonne, en 1944. Il appartient à une famille du sud du Portugal et la province d'Alentejo est souvent présente dans son œuvre, bien que Lisbonne en soit le lieu privilégié. On sait qu'il a été emprisonné par Lapide, mais son père aussi, il était, ça a été un choc pour ce jeune à l'époque très dur, qui l'a conduit très tôt à la résistance au régime. Il a fait, il a obtenu sa licence en droit à Lisbonne, participant activement à partir des grèves et étudiantines de 1961-1962, donc ces mouvements de protestation universitaire et animant donc des associations et les ciné-clubs dans les années 60, voilà les 68 tard presque arrivés. En 1971, à cause de sa résistance au fascisme, il est arrêté et c'était le début de son service militaire. On sait qu'à l'époque, on désertait. D'ailleurs, le service militaire, c'était une forme de résistance. Il a été soumis à la torture, condamné à 14 mois de prison dans des prisons politiques très très dures de Caxias et Peniche. Il y a un écho de cette époque. Voilà, quien disait au contraire est pour que t'aies raison. Ça, c'était au théâtre, hein, parce qu'il faisait aussi, il a aussi fait des essais du théâtre. Si à partir de ses essais, il est arrivé aussi au théâtre, il s'est passé bien d'autres choses encore au niveau littérature. Ça m'en parlait de ce film, donc il y a un écho à ses 14 mois de prison dans le film Quem é Ricardo, de José Barahona, dont il a écrit le scénario. Donc il réussit à quitter clandestinement le Portugal, passe un court moment en France avant de s'expatrier en Suède. Il obtient l'asile politique à la veille de la révolution, d'ailleurs, de Schlavos, cette fameuse révolution pacifique du 25 avril 1974. C'est toujours 2014 de Clem Chouteau qu'on entend, et nous sommes en 2020. C'est toujours amusant, personnellement, de commencer comme ça un nouveau millénaire. Voilà, 2000, hein. Nous sommes la 20e année de l'an 2000. Donc si nous revenons à Ricardo de Carvalho, à son retour à Lisbonne, il exerce le métier d'avocat, il défend les causes syndicales ou des litiges touchant à la copropriété, ça c'est sa spécialisation. Il intègre l'Association portugaise des écrivains sous la présidence de David Mourão Ferreira, puis Oscar Lopes. Il a été professeur invité de l'École supérieure de théâtre et de cinéma et de l'École supérieure de communication pendant plusieurs années. Il a enseigné dans des masters d'écriture théâtrale à l'Université de Lisbonne, où il participe aussi à des ateliers d'écriture de fiction. Marié, il a deux filles, l'écrivain Rita Tabor de Duarte et la journaliste Ana Margarida de Carvalho. Ses œuvres sont traduites en français par Marie-Hélène Pinique et Elodie Dupot. Œuvres, romans, contes et nouvelles. En 1981, avec Contes de la Septième Sphère, Contes de la Septième Sphère, Mário de Carvalho fait une éruption fulgurante dans la littérature portugaise post-révolutionnaire, mêlant cruauté, fantastique et ironie. donc en 1982, sort un recueil de courts récits, Os Casos do Beco das Sardinheiras, Histoire de l'impasse des géraniums, où le public découvre l'humour satirique de Carvalho et son observation aiguë du quotidien urbain de la petite bourgeoisie. Son imagination débordante et enjouée se donne libre cours dans Au Grand Livre de Thèbes, Navio e Mariana, le grand livre de Thèbes, Navire et Mariana. On disait en 1982. Donc ce livre, il obtient le prix Cidade de Lisboa, donc le prix Ville de Lisbonne, et dans Inaudita Guerra Avenida Gago Coutinho, l'extravagante guerre de l'avenue Gago Coutinho en 1983. En 86, le roman Paixão do Comte de Froisch, qui reçoit le prix Dom d'Inige, traduit en français, Le jeune homme, la forteresse et la mort, dans Gallimard, 1992. Voilà. Ça se déroule au XVIIIe siècle, il prend prétexte d'un épisode de la guerre des Cent Ans pour jouer avec la réalité historique, même si celle-ci est minutieusement explorée à la Yorsnar avec un humour savoureux. C'est ainsi en Jaufres, encore un autre ouvrage, Grand Prix de l'Association portugaise d'écrivains et Prix Cita de Cassino, ou Jaufres, en 1989, le sous-lieutenant, publié par Gallimard aussi en 1996. Et c'est une proposition de trois nouvelles qui questionnent les guerres coloniales à partir du regard critique de jeunes officiers sursitaires. La première nouvelle, Il était une fois un sous-lieutenant, adapté deux fois au cinéma au Portugal par Luís Costa et Luís Alves, et une fois au théâtre en France, tout de même, c'est tout proche, dans une adaptation d'Odile Leret. Um Deus patiente pela brise de tarde. Ça, c'est un peu plus tard, en 1994. Un dieu dans le souffle du jour. Les éditions Bourgeois en 2002 en France se déroulent sous Marc Aurèle, mais dont l'auteur précise un épigraphe qu'il ne s'agit pas d'un roman historique. On disait qu'il a beaucoup d'imagination, il joue beaucoup, voilà. Donc peut-être considéré comme l'œuvre maîtresse donc d'un genre revisité dans lequel un héros sceptique de Lucius affronte des problèmes d'aujourd'hui et d'hier sans illusion. Ce roman a reçu de nombreux prix. Le prix du roman de l'Association portugaise d'écrivains, prix Fernando Namora, voilà, et ainsi de suite. Hein, il est traduit en espagnol, anglais, allemand, italien et autres langues. Donc, si ça vous dit, un dieu dans le souffle du jour, un Deus paciente pela brise, en 1994 au Portugal, en France, traduit en français en 2002. Voilà, Mário Carvalho n'a jamais cessé d'écrire. Et en 1994, Era bom que trocássemos algumas ideias sobre o assunto, Le fond des choses, sorti aussi en France en 1999, 4 ans après, voilà, le premier d'une série de romans auxquels l'auteur donne le nom de Chronovelem, satire du quotidien qui aborde des thèmes d'actualité. Et voilà, il y a ainsi des satires, voilà, qu'il s'agisse de partis politiques, de médias, de la petite bourgeoisie en crise, ou dernièrement d'escrocs à la petite semaine, comme on dit dans Quando o Diabo Reza, lorsque le diable prie, en 2011. Donc fantaisie pour deux colonels et une piscine. Fantasy pour deux colonels et une piscine, c'est en 2007 en France, en 2003 au Portugal, est un portrait hilarant de la société portugaise postérieure au 25 avril. Sur Alors c'est un auteur important, on continue ainsi à suivre chronologiquement ses œuvres. Par exemple, en 2008, le roman couronné par le prix Fernando Moro, un prix important, le prix Virgilio Freire, le charme, la subtilité et l'ironie du style de cet auteur servent Mario de Quelva, ils servent admirablement la description des beaux paysages de Olentejo, mais aussi celle de la faune lisboète et de ses mœurs sexuelles dissolues par le biais du personnage central, Gustavo, l'anti-héros de notre temps. On continue ainsi ça avec une production Valentine, guide de Caso en Carvangel, le balcon suivi du coucher de soleil à Carvangel en 2012, qui entraîne le lecteur dans des pays imaginaires où les personnages improbables sortis de quelques opérettes ou farces shakespeariennes, voilà. On connaît l'expression, entrecroise, donc c'est leur conflit dans leur marivaudage, leur destin menacé dans ne sait quelle éminente catastrophe. Donc cet auteur n'a jamais cessé d'écrire et de publier de la science-fiction brève, depuis des superbes contes fantastiques, contes de septième sphère, réédité en 2010, les brillantes variations intellectuelles de 400 000 sestercios seguidos al Conjano, 400 000 sestercios suivis donc du Conjano en 1991, un grand prix aussi, le grand prix Camilo Castelo Branco. Voilà, nous allons pas parler de toutes les pièces de Mario de Quelva qui ont été représentées au Portugal ou à l'étranger. On va surtout essayer de vous donner envie, mais je suis sûre que vous avez envie de faire connaissance avec cet auteur si ce n'est pas encore fait. Donc cette nouvelle édition pour ce début d'année, Dos Contos de Mario de Quelva, une réédition de présentation du Rosto, donc qui a été publiée en 1968. Et c'est une intitulation Epitome de Pecados e Tentações, ou livre de contes de Mário de Carvalho. Et en français, on pourrait dire, voilà, l'épitome des péchés et tentations, une réédition. Et on va certainement en profiter pendant cette année. Juntar a fome como os bons e velhos temos. Recordar o bom da vida, valorizar o que temos. Pois eu já vivi com menos, hoje eu valorizo pouco. Tu nunca me vês parado, não é de perder o foco. Se foco nessa vida, podes crer que eu já passei. Já corro a bué da tempo e podes dizer que nem cansei. O objetivo é bem maior, muita garra e bué suor. Pois eu quero é ser melhor e a vitória eu tenho odor. Muita dor eu já senti, bué de fome eu já perdi. Nem de conto o que eu já vi, do pouco que eu dormi. Hoje o fake call me G, quando eu chorei não lhe vi. Eu não minto, eu já sofri quando estiveram para mim. Eu escondo pelos dedos e nunca foi novidade. Tenho o meu feito e o assalto e sei quem tenho do meu lado. Eu corro pelos meus, pela fama e pelo bairro. Posso até ficar com vida, mas daqui eu já não sei. ei, ei, mas aqui eu já não saio. Tu devidas e críticas eu respondo com trabalho, yeah. Com trabalho, com trabalho. Poli todos os dias para mandar no meu baralho, yeah. E eu só jogo com valetes. Na sueca eu tenho setes, eu só quero os bolsos fetes, yeah. E não falo só dos meus, subentendo a firma toda faz o mesmo pelo estudo. Tô na luta e na batalha porque a vida é ganda bill. Então para esquecer problemas eu nunca recuso um chill. Manda vir uma garrafa, niga, pode dizer que eu kill. Mas no final de contas eu só quero é estar tranquilo com a fã. Tá tranquilo com a fã, tá bem chill com a fã. Tá tranquilo com a fã, tá bem chill com a fã. Eu tô na luta e na batalha porque a vida é que anda pila. Então para esquecer problemas eu nunca recuso um chill. Manda vir uma garrafa, nigga, pode ser que eu kill. Mas no final de contas eu só quero é tá tranquilo com a fã. Ei, ei, tá tranquilo com a fã. Tá bem chill com a fã. Tá tranquilo com a fã. Tá tranquilo com a fã. Ei, ei. Eu não vendo a minha soul, muito menos a dos meus. O diabo aqui é pobre porque a gente reza a Deus. A Deus a quem não curte, não te obriga que me sintas. Eu evito o fake, baba, dor de ferro nessas cintas. Já te disse a Deus e mando um kiss. Nigga, eu quero é estar na pista e ver que o meu people está feliz. Ei, só assim eu sou feliz, nunca precisei de mais. Família não é só sangue, é quem te ajuda quando cais. Mas é quem está lá para ti sem perguntar pelo cachê. É quem te enxuga a lágrima e pergunta tu porquê. Mas de maneira real e não para ti uma de fofoca. Quantas vezes confiaste e viraste uma chacota. Problemas são de parte, o objetivo aqui é Marte. Querem bife à la carte, mas disso já estou farto. Aqui já não temos disso, todo o vivo está na grelha. Se tu quiseres serve disso. Se tu quiseres serve disso. Eu só quero é estar tranquilo. Eu só quero é estar tranquilo. Eu só quero é estar tranquilo. Tô na luta e na batalha porque a vida é ganda bill. Então para esquecer problemas eu nunca recuso um chill. Manda vir uma garrafa, nigga, pode dizer que eu kill. Mas no final de contas eu só quero é estar tranquilo com a fã. Tá tranquilo com a fã, tá bem chill com a fã. Tá tranquilo com a fã, tá bem chill com a fã. Eu tô na luta e na batalha porque a vida é canta pila. Então para esquecer problemas eu nunca recuso um chill. Manda vir uma garrafa, nigga, pode dizer que eu kill. Mas no final de contas eu só quero é tá tranquilo com a fã. Tá tranquilo com a fã, tá bem chill com a fã. Tá tranquilo com a fã, tá fã, tá tranquilo com a fã. Tô na luta e na batalha porque a vida é canta pila. Então para esquecer problemas eu nunca recuso um chill. Manda vir uma garrafa, nigga, pode dizer que eu kill. Mas no final de contas eu só quero é tá tranquilo. Tá tranquilo com a fã, tá tranquilo com a fã, tá bem chill com a fã, tá tranquilo com a fã, tá tranquilo com a fã, tá tranquilo com a fã, tá tranquilo com a fã, tá tranquilo com a fã, tá tranquilo com a fã. Mas tem problema que eu tô tendo com o cabelo. Depois aqueles gajos vêm para aqui, só tuca, tuca, tuca, que eu lá no que nega, toca. Juro por tudo. Dorme no peito, cavalga o meu receio e espera que eu não hei de tardar. Elle rêve, la noce déclenche des dieux qui nous rapprochent. Au loin, en flamme. Et mon beau marin au corps libre, sans or ni argent, tu peux embarquer. Nous irons dans le feu, dans le froid, ce fleuve de tes bras. Il y a des ports dans la tempête. Tens o voo azul da gaivota. Se segredos de outra rota. A terra, raízes e beiral. Sou marinheiro de corpo à solta. Nem ouro, nem dinheiro pode embarcar. Ela chegou, falou luz, marcou o chão. Eu rendi-me, perdi-me em beijos de prisão. Como um abraço de asa, cantou, voou, rezou, sorriu e pediu-me, leva-me de volta à casa. Passer au moment poésie, Flan de Mora. Sinto-me tão sem abrigo. Pensamento é vazio, nem espinho, um arrepio. É contigo que eu agasalho o meu frio. Sei que este amor está condenado, pois tramado é o passado e não perdoa. Mesmo que não volte a encontrar-te, hás de ser sempre minha rainha sem coroa. Agitação do fel ao mel foi levantar e aterrar no teu do céu. Foi ver a vida em outra escala, de tanto não querer deixá-la, abandonou-me. E só me resta recordá-la e seguir em frente lembrando o teu nome. Queria estar contigo, mas o tempo não te deixa ficar comigo, gosto tanto de te ter. No meu sentido, nunca eu te quis perder. Fica comigo. mas o tempo não te deixa ficar comigo. Gosto tanto de te ter. No meu sentido, nunca eu te quis perder. Fica comigo. Queria estar contigo, mas o tempo não te deixa ficar comigo. Gosto tanto de te ter. No meu sentido, nunca eu te quis perder. Fica comigo. Ainsi dans LDT, j'espère que vous êtes en préparation de votre week-end. Voilà, nous sommes vendredi soir et samedi et dimanche, c'est pas mal quand même. Hein. Et oui, c'est le week-end, ça, qu'on se le dise, hein, le deuxième week-end de l'année 2020. Alors, c'est ainsi que nous continuons ce LDT, hein, pour peut-être parler un peu de tourisme religieux. Alors, ça m'avait marqué, il y a ces villes de Valence au Portugal, et c'est pas très très loin de l'Espagne, ça fait frontière avec l'Espagne. Et alors, on parle pèlerinage, les pèlerins de Santiago de Compostela. Alors, il y a peu de temps, j'étais très très étonnée parce que je me promenais au bord de la Loire. Et je vois en face de moi, je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas remarqué avant d'ailleurs, quelque chose, on va dire, qui a été mis là pour nous rappeler que c'était le passage les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle avaient mis là un pilier en, voilà, pour dire nous passons là, ici c'est le chemin aussi pour des pèlerins qui vont à Santiago de Compostelle. Alors 88 000 pèlerins à Santiago, c'était le record atteint en 2019 à Valence et Tui. Voilà, ça, Valence, Valence, no alto Minho e Tui, Galiza. Voilà, ils ont enregistré, j'allais dire cette année, mais c'était déjà l'année dernière, donc ils ont enregistré en 2019 ce record de pèlerins au chemin de Santiago de Compostela, avec très exactement 88 130 personnes, voilà, à passer par ce trajet religieux. C'est une ville européenne. Donc le chemin portugais de l'intérieur. Voilà, il y a un chemin portugais. C'est le deuxième parcours, le premier qui mène à Saint-Jacques. Voilà, c'est le chemin français. Sachez qu'on est les deux. Alors les deux premiers, d'abord la France, ensuite le Portugal. Donc pour ce chemin qui a de plus en plus de personnes qui font ce passage en 2019, donc un bon cru pour le tourisme religieux. Love story, poésie, Fernão do Namor. On disait 1919-1989, un contemporain donc, un poète, médecin, écrivain, et terre, Antonio, é preciso partir. O moleiro não fia, a terra é estéril. A arca vazia, o gado minga e se fina. Antonio, é preciso partir. A enxada sem uso, o arado enferruja, e o menino quer o pão. A tua casa é fria, é preciso emigrar. O vento anda como doido, levará o azeite, a chuva desaba noite e dia, inundará tudo e o lar vazio, o gado definhando sem pasto, a morte e o frio por todo o lado, só a morte, a fome e o frio por todo o lado, António. É preciso embarcar, badalão, badalão, o sino já entoa a despedida. Os juros crescem, o dinheiro e o rico não têm coração. E as décimas, António, ninguém perdoa. Que mais para vender? Foi-se o cordão, foram-se os brincos, foi-se tudo. A fome espia o teu lar. Para que lutar com a secura da terra, com a indiferença do céu, com tudo, com a morte, com a fome, com a terra, com tudo? Árida, árida a vida. António, é preciso partir. António partiu. E em casa ficou tudo medonho, desamparado, vazio. Só se tinha poesia de Fernando Namora. Terra em Novo Cancioneiro, 1941. Alors, si on y représente le néo-réalisme, ce mouvement littéraire qui est arrivé en Italie et après au Portugal dans les années 40-50, ce poème parle d'immigration. Il y a une traduction en portugais où Antonio, il faut partir, plus de crédit chez le meunier, plus la terre est stérile, le grenier vide, etc. Donc je pense que je publierai ce poème dans le blog de LDT, donc vous pourrez toujours jeter un coup d'œil sur cette poésie, cette traduction de Fernando Namora, cette poésie qui parle donc de immigration. Reportage sur Fernando Namora. Vou lhe dizer que te conheci num dia de sol, que o teu olhar me prendeu e eu vi o céu em tudo que estava ao meu redor. Alors voilà, Maïse, elle a pas voulu partir, c'est Carolina Deslandes, a vida toda. Ficaste com o meu coração e como numa canção fizeste-me corar ali. Soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali, eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. ver com amor que sonhei ao pormenor e que era o meu desejo profundo. Que tinhas os olhos em água quando cheguei a casa e te dei a boa nova. E o que já era bom ganhou asas e eu soube de caras que era para a vida toda. No programa de hoje relembramos Fernando Namora. O escritor nasceu em Condeixa a 15 de abril de 1919 e aqui permaneceu até aos 10 anos. Estudou medicina em Coimbra e concluiu o curso em 1942, tendo exercido durante muitos anos na Beira Baixa e no Alentejo, experimentando vivências que foram mote para grande parte da sua produção literária, como o título Retalhos da Vida de um Médico. Detentor de uma obra vasta e multifacetada, foi aos 19 anos que editou o primeiro livro de poemas, Relevos. Nesse mesmo ano, com o romance As Sete Partidas do Mundo, ganhou o prémio Almeida Garret. A obra Fogo na Noite Escura, editada em 1943, notabilizou Fernando Namora, que, entre outras, escreveu O Trigo e o Joio, O Homem Disfarçado, Cidade Solitária e Rio Triste. Romancista, ensaísta, poeta e também pintor, Fernando Namora morreu a 31 de janeiro de 1989. Sugiro-lhe a leitura de Fernando Namora, um autor que, nos últimos anos da sua vida, e ele morreu em 1989, foi o autor português mais lido e mais traduzido. Fernando Namora escreveu mais de 30 livros, que foram traduzidos para um número impressionante de línguas, e foi um autor que vendeu mais de 1 milhão de livros. Teve, portanto, mais de 1 milhão de leitores, que tanto eram o homem comum, com um nível de cultura elementar, médio, como eram professores universitários de literatura e grandes críticos literários. Era um autor e uma pessoa, é difícil dissociar as duas coisas, porque ele está muito presente como pessoa naquilo que escreve. E era um homem extremamente solidário, generoso, que eu ainda tive o privilégio de conhecer nos últimos tempos da sua vida. Ele acreditava que com força, coragem e solidariedade se podia mudar alguma coisa na sociedade e no mundo. E se eu puder dar um pouco o meu testemunho pessoal, uma vez que o cheguei a conhecer, eu gostava de dizer que aquilo que mais me impressionou sempre em Fernando Namora foi a contradição inerente à situação do escritor. Porque ele era, por um lado, um homem de ação, que se empenhou profundamente no exercício da medicina e que se sentia realizado minorando a dor e o sofrimento alheios. Mas, por um lado, se ele se dedicasse completamente à sua profissão, não teria tempo para escrever. E se ele só se dedicasse à escrita, também não se sentiria realizado num mundo isolado e, de certo modo, virtual, que é o mundo da escrita. Ele escreveu livros muito diversificados, é conhecido sobretudo como romancista e como autor dos dois volumes de Retalhos da Vida de um Médico. O primeiro saiu em 1949 e o segundo em 1963. Mas escreveu também muitos outros géneros. Por exemplo, quando ainda era estudante em Coimbra, publicou um primeiro livro de poemas, a que chamou Terra, que é um título significativo, porque ele se considerava uma pessoa simples, um filho da terra, era oriundo de um meio rural do centro do país. E de resto, se calhar ir a Condeixa Nova, perto de Coimbra, não deixe de visitar a Casa Museu Fernando Namora. Ele é conhecido, sobretudo, pelos seus romances, mas escreveu coisas muito diversificadas. Além desse primeiro livro de poemas, Terra, escreveu outros, O Mar de Sargassos, Nome para uma Casa, Marketing, um título muito atual. Depois ele reuniu alguns desses textos nas Frias Madrugadas e era um autor que gostava de misturar os géneros. Por vezes, Fernando Namora era criticado por ser demasiado realista, demasiado próximo da vida vivida, ou demasiado neorrealista. Claro que ele fez parte desse movimento, mas a sua obra não se esgota só nesse aspecto. Aliás, ele evoluiu dentro da sua própria obra. Como ele refere no começo do livro, Resposta a Matilde. Aliás, o livro é um romance, mas ele chamou-lhe Divertimento. Aqui temos outra vez essa indefinição ou hesitação nos géneros literários, que eu acho que é também um aspecto muito interessante da sua obra. Ele escreve assim: um dia Matilde disse-me, enfadam-me as tuas histórias. Todas elas poderiam ter acontecido. E isso é um defeito? Repliquei um tanto amuado. Para mim é. Prefiro coisas inverosímeis, incomuns. Mas as coisas inverosímeis, onde acontecem, é na vida. A literatura tem uma lógica, a vida tem outra. Pois experimenta misturá-las. É o conselho de Matilde. Talvez te dê o mesmo resultado de quando se cruzam as linhas telefónicas e nos pomos a escutar uma conversa alheia que nos revela uma outra gente e um outro mundo. E, no entanto, esse mundo é o nosso. Essa gente somos nós. Cismei um pedaço naquilo e, por fim, anuí. Vou tentar. Depois telefone-te. meses passados, disquei o número de Matilde. Os romances e os livros de Fernando Namora são muito acessíveis, são fáceis de ler, até porque podemos lê-los só à superfície, sem nos preocuparmos com as outras dimensões profundas que também lá estão. Mas podemos ler, por exemplo, O Rio Triste apenas como uma história de apaixonados, de casais que todos os dias vêm trabalhar para Lisboa e atravessam o Tejo. Portanto, podemos lê-los a vários níveis. E se não gosta de ler, ou se diz sempre que não tem tempo, eu desafio a ler os retalhos da vida de um médico. Por exemplo, pequenos textos como A Prima Cláudia, Os Sapatos, História de Umas Mãos Pequenas, História Quase Policial e tantos outros textos muito curtos que não lhe vão levar mais do que 5 minutos de leitura, mas posso prometer-lhe que serão sempre 5 minutos ganhos no seu dia. Essentiellement littéraire. Pour commencer l'année, c'est pas mal. On a fait, oui, on a beaucoup évolué dans cette émission finalement. À vous qui n'arrêtez pas de nous demander de la littérature, les écrivains, les écrivains lusophones. Là, on est dans les classiques. Mais j'ai passé un très très bon moment, un merveilleux moment en votre compagnie. La fin de l'émission qui approche, mais nous serons là de nouveau vendredi prochain avec une nouvelle émission, la deuxième émission de l'année finalement, qui arrivera vendredi prochain. Nous serons là, c'est sûr. En attendant, c'est Mavrika qui commence à s'installer. Émission en direct aussi, tout comme LDT, l'heure du temps, tous les vendredis. Mavrika, c'est à partir de 20h30. Peut-être pour terminer avec une nouveauté, on aura la semaine prochaine, on fera place à les nouveautés musicales, on donnera une plus grande place aux nouveautés musicales Louzo, parce que c'est un des thèmes c'est un thème que vous appréciez beaucoup dans LDT. Alors là, une tête de cabeça de cartage de Rock in Rio Lisboa. Alors, Rock in Rio Lisbonne, vous connaissez, vous en entendez parler, ça se passe en été, on aime bien faire un tour, il y a beaucoup d'artistes internationaux, il y a de nationaux. Là, on annonce pour le dernier jour le nord-américain Post Malone. Alors ce rappeur, il sera la tête de Cabeça de Cartage, voilà, on dit en portugais, de Cabeça de Cartage, donc du dernier jour du festival. On a annoncé ça, donc ce festival, le 20, 21, 27 et 28 juin, on pense déjà aux vacances d'été. Excellent week-end à vous, à très bientôt, à vendredi prochain en fait. Soyez heureux.